Il y a des gens qui ne fêtent pas Noël pour des questions de religion ou autre. Joyeuse fête, juste manger. Voilà, c'est tout. manger. Vincent, tu fais l'ouverture ? Vas-y, ok. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Meilleure ouverture. Est-ce qu'ils vont me répondre ? Bonjour à tous, comment allez-vous ? Ouais, mais moi je suis gêné. C'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Tout de suite. Attends, mais. Non, aujourd'hui on va faire un podcast spécial Noël. Ça fait plaisir, moi j'adore ça. Exactement. Tout ce qui est Noël. Attends, mais tu montres la bouteille en gros plan. Bien sûr. L'alcool est à consommer avec modération. On est payé pour ça. Sauf en période de fête. Non, bien sûr, l'alcool n'est pas du tout à consommer avec modération. Bien sûr que non, pas du tout. Et il est en période de fête ? Ah, encore moins. Encore moins. Ouais. Ah, bien sûr. Encore moins. Surtout si vous êtes russe. Là, vous pouvez y aller. Hein. Y a pas de non, en vrai, légalement, je crois que c'est obligé de dire qu'il faut le consommer avec légation. Avec légation. Avec légalisation. Légalisation hein. Sinon, c'est illégal. Non, avec modération, bien sûr. Mais je le répète, comme on l'a dit dans un autre épisode, c'est pas à nous de faire votre éducation. Donc, exactement. Vous êtes assez grand pour faire votre vie vous-même. Mais faites okay, attention boomer. Quand même. Alors aujourd'hui, qui accueille-t-on ? Des personnes qui étaient déjà là. Yes. Hein ? On a Alexia qui était venue une fois, la vidéaste à l'exception. Ouais. Hein. À l'exception. À l'exception. Ah, c'est vrai, ça se prononce à l'américaine ? Non. Ah. Pas du tout. Est-ce que tu voudrais te représenter pour nous en quelques mots ? Elle nous représente ? Elle nous représente. Elle se représente. Elle se représente au présidentiel. Fais donc ce que tu veux. Bah, salut tout le monde, je m'appelle Alexia, j'ai une chaîne YouTube à l'exception. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout à savoir sur moi. C'est vrai. Ouais. Elle wow. fait diététicienne. Oui. Enfin, elle fait un BTS diététicienne avec son amie Marie. Mary. Voilà, exactement. Mary. Le sang chaud de la veine. Le sang chaud de la veine. Le sang chaud de la veine. La fameuse athlète de notre crew. Il en fallait bien une. C'est oh, ouais. Je suis désolé, mais vu ouais. les performances qu'on a pour manger, on est des. Enfin, on est des athlètes aussi. On hein. est des athlètes. Très clairement. Non, aujourd'hui, un podcast spécial Noël. Oui, alors pourquoi ? Ah, bah, super. Le gars balance direct. Je l'ai déjà dit. Ah ouais ? Oui, je l'ai déjà dit. Ah oui, je l'ai dit tout de suite. J'ai dit bonjour à tous, c'est spécial Noël. Ok, on est réunis, il y a des cadeaux. Il y a très peu de cadeaux. Non, mais on a fait. Enfin, Quentin nous a fait une petite ambiance chaleureuse là pour avoir les couleurs de Noël finalement. Hein. On a la verdure derrière nous, est-ce qu'on les sent, sapins, la forêt. Est-ce qu'on se sent bien ? Ouais. Ça fait plaisir. En plus, on a bien chaud. Super. Parce que derrière nous, il y a un feu de cheminée incroyable. Bah, la télé chauffe un peu quand même, donc quelque part. En plus, pas du tout. Très peu. Celle que tu m'as filée. Elle chauffe. J'ai brûlé un appartement. Bah, attends, pourquoi je te l'ai vendu si peu cher, à ton avis ? C'est donc pour ça. Je crois que c'était pour la qualité d'image qui est horrible. Ah non. Écoute, je l'ai acheté le double, d'accord. Ah là là, joyeux Noël hein. Non voilà, on est posé, on est tranquillement là. Et la chose qu'on va faire, c'est parler forcément de Noël et donc de des cadeaux. Exact. Des gâteaux, des dindes. En parlant de cadeaux, oh. On vous a réservé une petite surprise. Oh, un striptease en live. Oh. Ah, je suis conquis. Nope. Comment ça non? Ça va, c'est pas ça. Tiens, c'est à côté. Non. Voilà. Ah, c'est quoi ? Si. C'est voilà pour toi. Oh. Oh, lourd, je serai Elsa, la reine des neiges. Enfin libérée, délivrée. Et moi, voilà. Un peu de style. Tu es d'une magnificence. Tu es le roi des forêts. Tu es le roi des forêts. Franchement, merci beaucoup. Alors, attendez. Moi, j'adore. Je mets mon couvre-chef, vous permettez. Qui l'a mis ? Alors, parce que je vois, il y a des crampons de cheveux. Ça me dérange. Hygiéniquement, ça me dérange. Pour eux qui nous écoutent sur Spotify, enfin en audio, on nous a offert des chapeaux rigolos. Exact. Qui sont des serre-têtes. Exact. Des serre-têtes avec... Alors toi, t'as un chapeau pointu d'arbre de Noël, un sapin. Un sapin, j'ai un avec sapin. Avec une petite étoile mignonne, des petites boules et tout, ça fait sympa. Et moi, j'ai un serre-tête avec des flocons en une. Et un max de fourrure de biche. Voilà. Et quand est-ce que tu le mets en fait finalement ? Eh bien, je vais le mettre tout de suite. Ah, yes. J'adore. Tout ça évidemment validé par Christina Cordula. Ah oui, bien sûr, Christina Cordula. Ah bien sûr, oula. Est-ce qu'on est bien là? Oui. Ah, mon chéri, c'est parfait. Regarde-moi cette énergie cinétique. Ça, c'est l'énergie cinétique de Noël. Là, tu peux alimenter un arbre. Je dois dire que je me sens libéré et délivré. Wow. Directement, grâce à ça. Attends, c'est une référence? Pas du tout. En plus, j'ai jamais vu ce film. Vraiment. Donc ça fait encore plus plaisir de représenter quelque chose que je regarde pas. Du coup, les cadeaux. Nous, on avait envie de commencer en préambule par le pire cadeau qu'on ait eu. Okay. Oui. Ensuite, on fera le meilleur cadeau, le plus inattendu et celui dont on rêverait. Et après, on parlera d'anecdotes s'il reste du temps. Car pourquoi pas finalement? Moi, je peux commencer pour non, le pire c'est cadeau. Non, il a levé c'est la main. C'est vraiment le premier de la classe. Moi, j'ai la réponse, moi. Mais c'était pour les laisser réfléchir. Non, elle commence direct. Bah, regarde, elles nous ont pas fait de cadeau, justement. Donc, elles n'en auront pas non plus. C'est parti. Marie. Alors, le pire cadeau, Marie? Ouais, le pire cadeau, c'est quoi le pire cadeau que t'as jamais eu? Et de il est temps d'afficher des gens, d'accord? Je veux des noms. C'est méchant de dire des pires cadeaux si ça vient du cœur, c'est un beau cadeau. Mais non, mais en justement, vrai, les pires cadeaux ne viennent pas du cœur. J'ai pas trop envie de me faire massacre après cette vidéo, voyez-vous. Tu fais preuve de langue de bois, c'est déplorable. Pire cadeau. Franchement, on peut tous balancer, on a tous eu des cadeaux. Moi, on a tous fait des cadeaux. Moi, je l'ai. Toujours, hein. Oui, le monsieur au fond, là. Yes. Qui a invité ce mec? Écoutez, moi, je pense que le pire cadeau que j'ai eu, comme beaucoup de gens, c'est des Ferrero Rocher, finalement. Bon, c'est un mec, bon c'est cadeau. Bouffe, non, c'est bien. Vraiment alors, le cadeau que les gens te font en mode je n'ai aucune idée. Il fallait, voilà, il fallait vraiment en faire. Donc, tiens, C'est vraiment ce cadeau-là. Donc, maintenant qu'il est associé à ça, j'adore les Ferrero Rocher. J'adore ça. Mais si on m'en offre, je suis forcément déçu. Oui, ça fait très. C'est vraiment. Je te fous de ma gueule, en fait. Faire ça que juste autant, de l'argent, tu vois. Ouais, autant on m'offre rien. Attends, t'as dit quoi? Tu préfères ça que juste de l'argent, comme ça fait encore plus. Je m'en fous, quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, moi je préfère l'argent. Ouais, grave. Ouais, moi aussi. Parce que t'en fais ça, ouais, c'est le taureau par qui exemple, refait surface. Que... la bouffe. Est-ce que par exemple, avec les Ferrero Rocher, tu peux acheter, je sais pas, des vêtements par exemple? Ouais, mais. Difficilement. C'est pas ma priorité, quoi. Entre tes oreilles de neige là, quand t'as fait. Difficilement, hein, ça fait. Non, mais on est bien d'accord. Très peu de. Ouais, très peu de fin de phrase. Hein. Exactement. Ok, donc les Ferrero Rocher pour toi. Donc ça, c'était vraiment l'intervention qu'il fallait que tu fasses. Exactement. Ok, bon, au moins c'est dit. Au moins, elles ont eu le temps de réfléchir à leur pire cadeau. Exactement. Donc, hein? Mesdames. Alexia, peut-être une idée? Moi, franchement, j'ai jamais eu de cadeau vraiment horrible, mais... Franchement, en il barbe, a une c'est stylé. Oh bien, on fait tous les deux une barbe. Moi, j'ai une barbe hipster, tu vois, ça... Ouais. Ouais, un concept. Mais en fait, t'as des couilles, quoi. Attends. Nice. En plus, ça fait... Mon Dieu. Ça fait pas du tout mal. Ici, là. Ça va, quoi? Nickel. Non, en vrai, toi, ça passe. Avec ça, je suis sûr, c'est ridicule. Regarde, il y a la petite barbichette, là. On est pas trop bien. Les poils pubiens. Je sens dessus les couilles. Ouais, c'est bien ça. C'est... Allez. Ça représente mon pénis, c'est ça? Exact. Eh ben, c'est... C'est festif. Moi, je le porte jusqu'à ce qu'on ait fini ce segment sur les mauvais cadeaux, les pires cadeaux. D'accord. Bah écoute, moi, le pire, franchement, ça devait être soit un vêtement, soit un bijou, je pense. C'est méchant de dire ça parce que franchement, ça coûte cher. Hein. Mais. Pas toujours. Mais genre, un truc que tu porteras pas parce que tu t'aimes pas du tout. Ouais. Quoi. Ouais. Vraiment horrible, quoi. T'as le cadeau et t'es là. Ah, super, merci. Ah yes, merci. Ça me rappelle en fait, une année, ma mère m'a offert un boxer de Noël, tu vois. Mais je me suis dit, mais pourquoi un boxer de Noël déjà? Ça veut dire que normalement, tu le portes à Noël, mais qui va porter un boxer à spécial Noël? Tu vois ce que je veux dire? Genre encore le pull moche et tout. T'as... C'est pour faire une petite surprise. Oui, c'est ça, chérie. Les cadeaux, ils sont pas que sous le sapin. J'ai un autre emballage. Il est là, le paquet. Le paquet, il est là. Non, mais c'est vrai, quand elle me l'a offert... En plus, c'est vraiment, tu sais, le genre de truc, les designs... C'est même pas le pull moche traditionnel de « c'est marrant de le porter parce qu'il est moche », tu vois. Là, c'est vraiment un design que quelqu'un a fait parce qu'il a trouvé ça cool, tu vois. Il s'est dit « ça va être fun de faire un boxer de Noël, tu vois. » Non, en fait. Comme les fameux t-shirts où il y a des trucs marqués dessus du style « je peux pas, j'ai aquaponé », par exemple. Exactement, ouais. Je déteste ça. C'est terrible. C'est terrible. Ah tous là. Les trucs comme ça. Oh là, c'est... Attends, j'en ai vu encore récemment. Je l'ai screen et je te l'ai envoyé d'ailleurs. Je vais regarder pendant que, que tu réfléchis à ton pire cadeau d'ailleurs. Le pire cadeau, moi je dirais, c'est les bouquins, tu sais, qui t'achètent. Bah pareil, ils savent pas quoi t'acheter. Donc, T'aimes pas les livres? Non, mais tu sais, c'est des bouquins un peu fiction, amour, romance. Moi, je préfère tu vois, les livres de réflexion un peu maintenant et je reçois encore et toujours. Genre un annal de Bach, quoi. Non. Des romans non. À l'eau de rose, quoi. Ouais, voilà. Genre les, ouais, tout ce qui est Musso et tout, les trucs. Ouais, tous ceux qui non, se mais disent. Pire que ça, vraiment. Ah, ouais, genre des trucs d'adolescents. Ah, quoi, oui. Voilà. Ouais, voilà. Je me souviens. Je pense qu'ils ont oublié que je grandis un peu. Ouais. ils ont des couvertures très spécifiques, ces trucs. Moi, malheureusement, je ne reçois plus de jouer Spider-Man. Et ça m'attriste énormément. Attends, c'est un appel. Ça, oui. Tu appelles oui. Des gens. Achetez-moi des jouets Spider-Man. J'ai retrouvé le t-shirt. Ah. Donc c'est un Marcel, hein, voilà, no fake. Oh, déjà sur Marcel, lequel ça. Il y a écrit « Dormir, Marcel. C'est ma drogue, mon lit, c'est mon dealer, et mon réveil, c'est la police. » C'est beau. Donc c'est les gens qui portent ça, si vous le regardez, ne le regardez pas, merci. Voilà. Voilà. J'enlève ça parce que ça fait vraiment mal. Ça y est, on a perdu un soldat. Exactement. Exact. Tombé trop tôt. Ton pire cadeau? Du coup, c'était les livres. Le meilleur ouais. cadeau, Vincent, on n'a qu'à refaire dans le même sens. Ah, aussi, j'ai parlé du mien. Ouais, c'était. Non, mon pire cadeau, est-ce que c'était vraiment ce boxeur de. Non, en fait, j'ai eu du mal à comprendre le concept, mais le pire cadeau, c'était. Non, j'en parlerai plus tard. C'est dans mes anecdotes, mais c'est en rapport avec ma grand-mère. Que d'accord. Que j'aime très fort, mais. mais il y a un moment, pas des bons cadeaux, quoi. Les choses ne vont plus. Meilleur cadeau, Vincent. Alors, bah, là, je suis pas. J'ai pas la réponse, donc. Je préfère passer la main finalement. Très déçu, c'est un redoublement ça, hein, monsieur le Fayot. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Moi, meilleur cadeau, c'était ma Nintendo DS. Alors là. Oh. Ah, bah wow. ouais. Je pense moi aussi. Pour tout le monde, je crois. Moi aussi. Ouais. Vraiment enfin, le dans feu, quoi. Pendant l'enfance. À Noël, j'avais une Game Boy Advance. Mm. Bah, c'est des... franchement, moi j'aurais été trop content. Oui, j'étais trop content, mais c'était à l'époque déjà de la Nintendo DS, tu vois, c'était... Ah. J'ai eu la Nintendo DS à ma communion, donc du coup ça compte pas pour Noël. Ça compte pas. Mais effectivement, j'avais eu une console aussi. Donc on a 3 DS, c'est meilleur cadeau. Non. 3 non DS, c'est mythologique. Non. 3 DS. Enfin oui, oh, ça fait partie des la meilleurs console. Cadeaux. Mais... Oh, ouais, ok. Parce oui, que je suis oui. un gamer, en fait. Bah, je pensais à ça, en fait, je pensais que t'avais fait la référence, mais en fait, non. Non. Ah, okay. Si, en fait, c'était prémédité. Ah, ok. C'était prémédité. Bah, c'est un meurtre. Il avoue un meurtre en live. J'ai tué une blague, littéralement. Donc. Ouais. Donc, la non, DS. Franchement, la DS, et je pense qu'on peut lancer le débat. Enfin, en tout cas, pour. Je sais pas. Mais pour moi, les meilleurs cadeaux, ça a toujours été une console de jeu. Genre, vraiment, c'est mémorable. Parce que tu sais que c'est un truc sur lequel tu vas avoir. Tu vas passer plein de temps et que du plaisir. Donc, ouais, c'est clair. Moi, je crois que j'avais chialé, moi. FIFA. C'est vrai ? Ouais, parce qu'en fait, je rageais parce que tous les gens du collège, je sais plus, c'était en primaire, ils avaient tous une DS. Mais pas toi. Et moi, j'en avais pas. Tu vois, je dis. Mais est-ce que tu l'as demandé ? Ouais. Bah, mes parents, bon, tu sais, j'en discutais un peu des fois. Voilà. Et il se trouve qu'une fois, bah c'était Noël, je crois, j'ai reçu la DS, mais la gamme au-dessus, tu sais. Enfin, la toute nouvelle qui était sortie. La DSi La DS Lite Non, I, DS. Je crois. C'est I, hein. La ouais, DSi, c'est ça. Ouais. Mais d'abord, il y avait la DS Lite. Hein. Avec un DS appareil Lite, photo. Ouais, il y avait un appareil ok, photo c'est la DSi dessus. Alors. Ouais. Et là, nous, on a eu la DS Lite, je pense. Non, non, moi, j'ai eu celle d'avant encore. C'est vrai, ouais, le gros ouais. bloc. Ouais. Ouais. Oh, j'ai eu le même aussi. C'était ouais. terrible. Ouais. C'est clair. Quel enfer. Franchement, revoir ça aujourd'hui, tu dis. Non, merci. Par contre, toutes les DS, enfin, déjà, les personnes qui avaient des DS n'avaient jamais le bon stylet pour la bonne DS. C'est vrai, on les perdait. C'est clair, ouais. Moi, ça va, j'ai toujours réussi à le garder, personnellement, parce que je fais attention à mes affaires, finalement. Pardon. Et c'est pas mon iPhone avec un écran cassé qui va... Alors ça, j'aimerais en parler quand même, parce que les gens ne le savent pas. Tu as quand même mis ton téléphone dans une poche trop petite. Non, vaillamment. Mais non. Vaillamment. J'attaque. Je porte plainte. Alors, contre Zara. Bien sûr. Parce qu'ils font des jogging avec des poches pas assez grandes. Okay, mais c'est quoi l'intérêt en fait? Qui a mis le téléphone dans cette poche? Sachant qu'elle était trop petite. et qui a couru avec ce jean, sachant que ça multiplie est-ce les que chances que ça est-ce tourne. Que t'es censé, quand tu mets un jogging, t'es censé te dire « Oh non, mon téléphone rentre pas dans cette poche. » Non, c'est pas, la question. C'est pas savais, une question. Tu le savais que c'était pas faisable, et tu l'as quand même fait. Je savais, mais c'est pas une question. Non, mais attends, parce que moi, j'adore Zara. Le mec, il se passe une dédicace. Voilà, c'est ça. Dédicace de Zara. Tous les gens qui s'appellent Zara. Ça, est-ce que ça existe comme prénom, à votre avis, Zara? Bah, sûrement. Ouais, je pense. Ouais, Sarah, si tu le prononces mal, tu vois. Salut Zara, ça va? Avec un feu sur la langue. Oui, c'est vrai, exactement. Non, mais voilà. Ok, donc les consoles. Consoles ouais. Est-ce que c'était vraiment mon meilleur cadeau? Ouais, je pense la Game Boy Advance, quand je l'ai eu, j'étais complètement. Refait de ouf. Fou. Ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma vie, vraiment. Voilà. Le cadeau le plus inattendu. Alors là. Toi, t'avais déjà quelque chose en tête? Bah en fait ça rejoint ce que je voulais dire avant sur ma grand-mère, mais ma grand-mère a une pauvre grand-mère. Sacrée grand-mère. Elle a fait tous les cadeaux en même temps sauf le meilleur. Non mais en fait ma grand-mère a une particularité très précise pour Noël, c'est qu'elle offre les cadeaux qu'elle a eus l'année dernière et qu'elle ne veut plus, croyant qu'on a oublié. Le pire, j'adore. C'est qu'elle les offre dans des boîtes genre de surgelés, tu vois. Non, qu'elle va chez Picard, elle achète, je sais pas, 4 steaks hachés. Non, c'est pas le vrai. Respect est mort. Et elle va te rendre le dessous de plat que tu lui as acheté l'année dernière dans cette boîte de steaks hachés, enroulée avec du scotch, tu sais, le truc de tape pour les cartons de déménagement. Ouais. Là. C'est vraiment ça, tu vois. Et du coup, à Noël, ouais. Tout le monde dans la famille fait toujours ce truc. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir qu'on a donné, déjà tu vois. Donc on fait des pronostics et tout, c'est vraiment. C'est chaque année. Il y a déjà quelqu'un qui a fait le bon prono. Non, je crois pas. Mais des fois, on voit des trucs réapparaître qui ont 20 ans, tu vois. C'est un peu son marché aux puces, tu vois. Mais c'est bien, au moins, ça fait des économies. Ouais. Et du coup, toi, t'as eu un cadeau comme ça? Ouais, j'en ai eu plusieurs. Tout le monde est passé par cette. En plus, des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois. Genre des dessous de. Non, comment on appelle ça? Des. Des sets de table? Non, tu sais, pour coincer les livres ensemble. Ah, ah ouais. Oh là, je sais pas comment des... ça s'appelle. Je sais plus comment on appelle ça. Des presse-livres. Le mot m'échappe. Ouais, on va dire des presse-livres. Des presse-livres qui pèsent une tonne, qui ont 20 ans, qui sont en cuivre et qui n'iraient nulle part dans un appartement, tu vois. Genre. Voilà, c'est vraiment le genre de truc. Dans des boîtes de sardines, des trucs comme ça. Ah, nice. Voilà, petite dédicace. Gros shout-out à ma grand-mère. Bien affectueusement, bien sûr. Ça fait plaisir. Évidemment. Regarde, ça fait des anecdotes. Mais oh, qu'est-ce qu'on l'embrasse partout. Enfin, partout. Bah, non, bon, on l'embrasse pas partout. Calme-toi. Mais je demande d'affection, je suis comme ça. Et vous, avez-vous eu des cadeaux inattendus? Des cadeaux inattendus? Attendez, là, je vous rends compte. Non, on t'entend pas. Ah, moi j'en ai un. Oh. Ben, oh. J'ai reçu un billet pour aller voir le Lac des Cygnes. Il faut savoir que j'ai fait de la danse classique pendant 8 ans et je suis fan de danse classique, musique classique. Et du coup, ben, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop contente, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est vraiment le genre de truc où tu sais que la personne a cherché à te faire plaisir. Ouais. Ça, c'est, ouais, j'avoue, c'est très fort comme cadeau. C'était ça. Trop beau. Franchement, j'étais tellement contente. C'était incroyable. Par contre, calme-toi, hein. Ça va plus jamais. Hein. Non, mais ouais, nickel. Nickel. quelle façon nulle à chier de conclure. Je vais faire une transition. La radio t'attend, mon ami. Nickel. Ouais, nickel. Non, en fait, je voulais te demander, Quentin, si tu avais encore des questions comme ça par rapport à des cadeaux. Alors, est-ce que tu as un Parce cadeau que inattendu sinon, je pouvais en changer. J'en ai encore une, moi. J'en ai encore une, c'est... Moi, quand j'étais jadis... Quand j'étais jadis. Jadis, quand j'étais jeune, un peu plus jeune, du style 14-15 ans. Ouais. Mm-hmm. Ah, une bonne dizaine d'années, quand même. Presque, presque. Calmons-nous. On se cherchait un peu tous, vestimentairement parlant. Et bon, moi, je me prenais un peu pour la Karl Lagerfeld, tu vois. C'est vrai. Je disais souvent à ma mère, ouais, t'imagines si ce vêtement-là, un de mes vêtements... je le coupe, je fais ça, je fais... C'est un de mes rêves, je te coupe, mais c'est un de mes rêves, c'est trop bien de faire ça. Et tu l'as fait ou pas? Et du coup... Non, t'as découpé des trucs ultra chers. Non, elle m'a offert une machine à coudre. Ah. Et quand tu l'as utilisé une fois, t'as fait... Bon, j'abandonne en fait. C'est vraiment beaucoup trop chiant. Et ouais, bon. Bah, j'étais contente sur le coup, et après quand j'ai vu que c'était vraiment galère, parce que moi j'ai vraiment aucune patience, c'est comme une fois j'ai reçu une guitare... ça fait plaisir sur le coup, tu vois, mais ça fait 10 ans ouais, qu'elle est au fond de ma chambre et qu'il y a de la poussière dessus, tu vois. J'ai vraiment pas de patience pour la machine à coudre, tu l'as toujours ? Ouais. Ouais. Putain, franchement, c'est stylé. Je rêve de faire des trucs de stylisme comme ça. Mmh. Ça doit être trop bien. Tu sais, de custom tes propres vêtements. Mmh, bah ouais. Franchement, la classe de ouf, quoi. À fond. Ouais, ça doit être classe de ouf. Ouais, tu sais, genre, tu portes un truc et tu sais que personne dans le monde n'a ça. Grave. Tu peux dire ça, c'est une pièce de collection. Je crois que mes sœurs, quand elles étaient ados et tout, elles se faisaient elles-mêmes des coupures dans les pantalons au niveau des genoux. Mais sinon... Ça, ouais, c'est pas pour le style, c'est juste pour... C'est quoi qu'aujourd'hui, c'est devenu un style, en fait. Bah oui. Elles étaient avant-gardistes. Bah oui. Donc, est-ce que tes sœurs Kanye West on peut... Mes sœurs sont Kanye West. Kanye West. Attention. Non, moi, je voulais parler d'un cadeau inattendu que j'ai eu. Let's go. Et en fait... En fait, je vais passer pour un gros bâtard. Hein. Oh. Et c'est un truc pour lequel je m'en veux énormément depuis que je suis petit. Et en fait, ma mère m'avait offert... Parce que, bon, vous le savez, je suis fan de Spider-Man. Hein. Non. C'est vrai ? Je te jure. Je viens d'apprendre. Je vous jure. Je vous on jure. Est tous surpris, je crois. Ah ouais. On est stupéfait même. Et ma mère le savait, elle aussi. Et elle s'était dit, tiens, je vais lui offrir... quelque chose en rapport avec Spider-Man, et c'était un livre. Et en fait, c'était un intégral, genre, parce que Spider-Man existe depuis 1962, et il y avait des intégrales de toutes les années, avec tous les comics dedans de cette année-là. Et du coup, elle m'avait offert un truc comme ça, je sais plus, je crois que ça devait être 1968, un truc comme ça. Et en fait, le fait qu'elle m'a offert un livre, genre, je me suis dit... J'étais dégoûté en fait, juste parce que c'était un livre. Donc mais j'ai. Non, je sais pas. Alors, j'ai pleuré du coup. parce que je me suis dit, oh, c'est un livre, c'est nul. Genre, comme ça. Et je gosse, m'en quoi. Veux trop de l'ouf. Alors que, après, du coup, après, je l'ai lu et j'ai adoré et j'ai pris des intégrales de toutes les années suivantes et tout parce que j'adorais ça. Mais voilà, du coup, je m'en veux encore aujourd'hui. Ouais. Et je lui ai dit récemment encore que je m'en voulais. Elle a dit « Ah, mais j'avais complètement oublié. » Ta merde, là, ça m'était sorti de la merde. Mais ouais, mais après, bon, quand t'étais enfant, tu lisais pas beaucoup. C'est pour ça que ça t'a déçu, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en soi, le fait que ce soit Spider-Man, c'était cool. Mais vu que c'était un livre, comme pour toi, les livres, c'est associé à un truc chiant, tu t'es dit « Ah, merde. » Exactement, ouais. Ouais, je comprends. Je comprends le raisonnement, c'est clair. Ouais, mais ouais, j'étais un petit con finalement. On est tous par passés par là, je pense. Hein. Ouais, c'est la phase de petit con. Exact. Par contre, ce que je faisais, à part pour ce cadeau-là, du coup, c'était de remercier énormément. Genre, mes parents m'ont vraiment appris à dire merci, même si j'étais pas trop content, tu vois. Et du coup, forcément, dès que j'ouvrais le cadeau, je faisais. Oh, merci beaucoup. Même si c'était pas incroyable, mais c'est pas que c'était pas hypocrite parce que genre j'étais vraiment content pour le coup qu'on m'ait offert quelque chose. Qu'on ait pensé à toi. Voilà, exactement. Donc je disais toujours merci beaucoup et tout. La politesse. Voilà, c'est exactement. Ça, la bienveillance. Par contre, mes cousines, pas tellement. Ah oui ? Ouais. Ça balance. Après les femmes, on les connaît. Alors, mesdames. Super. Un bon, cadeau. Allez, ça va être difficile de partir là. C'était quoi déjà la question ? C'était le cadeau inattendu. Okay. Et c'est moi qui ai terminé. Ouais. Du coup, on est tous. On l'a tous fait. Donc, j'étais plutôt parti sur des anecdotes, mais on va faire une petite coupure. Et juste après cette coupure, j'adore couver des œufs. C'est ma passion. Donc, on se retrouve après cette coupure. Waouh, on est de retour. Il s'est passé des choses incroyables. C'est vrai. Il s'est passé deux jours. Là, on a gardé les mêmes amis. Noël est passé. Un gros crâne. Ouais, Noël est passé. Et j'ai eu mon pire cadeau, du coup. Ah, du coup. Et c'est quoi ? C'est un pull de Noël avec marqué « Ce pull n'est apporté qu'à Noël ». Ouais, non. En impro. C'était cette chute de non, par contre, on avait juste, avant de passer sur les anecdotes, on avait très rapidement notre cadeau rêvé. Ouais. Donc un truc qui nous ferait vraiment plaisir, c'est peut-être un appel pour les gens qui nous regardent. Je sais pas, si jamais, peut-être. Alors, Quentin, à tout hasard, toi, est-ce que ça aurait un rapport, peut-être, avec un avion qui irait dans un pays étranger, plutôt asiatique Ouais, ça me parle déjà. Est-ce que ce pays ferait, par exemple, proposerait beaucoup de choses à manger, des ramen, des sushis. Bien sûr, j'adore. Oh oui. Est-ce que ce serait pas le pays du soleil levant, comme on l'appelle? Oui. Oui. Mais oui, c'est clair. En vrai, comme à l'heure actuelle, je suis un adulte responsable. Évidemment que ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un billet tout frais payé pour le Japon. Mais étant donné que je peux m'en payer un aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'en payer un. Enfin, la chance, c'est beaucoup de travail, donc. Le bug est là. Non, c'est bon, c'est parfait. Okay. Je préférais peut-être plus un truc, j'allais dire, inattendu, voilà. Qui soit vraiment en mode, je le découvre et waouh! Là, je suis. Genre, du coup, finalement, le Japon, bof. Si, vraiment, si. ça reste top tier. Mais bon, je sais pas. Tu sais, la surprise, c'est quand même excitant. Ouais. C'est... ouais. Est-ce que. Il y a t'as ouvert des cadeaux et je trouve que. Avant de savoir ce que c'était, c'était plus excitant que quand tu les as ouverts, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En les découvrant, tu t'es dit ah ouais. Bah, je sais pas si vous le faisiez aussi, mais nous avec mes cousines, on traînait souvent près des cadeaux sous le sapin. On regardait un petit peu les formes et tout. On regardait un petit peu là où il y avait marqué notre nom. Et les parents deux carrés, c'est évident que. On les soulevait, on les secouait comme ça. Ah ouais, carrément. Genre ils arrachaient le papier et tout. C'est une PS4. Ok. Bon, PS4, dès que les parents ils se barraient, c'est où. Ouais, tous les enfants ont fait ça vraiment. On cherchait les cadeaux et se dire. Mais en plus, on faisait ça en mode, vraiment sournois quoi. Genre, on regardait si on n'était pas vu. On regardait un peu de loin, genre on regardait pas trop, mais si on regardait à fond. Voilà, exact, cette tête-là, on faisait cette tête-là. Ok, un cadeau de vos rêves. Vous savez quoi, on va partir dans l'autre sens, Marie. Un cadeau de tes rêves. C'est pareil, c'est le voyage n'importe où. Attends. En dehors de l'Europe, parce que du coup, je suis jamais sortie d'Europe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que les US, ça te parlerait? Ouais, carrément. Ouais. Plus qu'un autre pays? Non, pas forcément. Franchement, juste découvrir une autre culture, tu vois. Parce que bon, l'Europe, ça va, j'ai déjà fait un peu l'Europe de l'Est. Donc, en plus, globalement, ça se ressemble beaucoup quand même, ouais, l'Europe. C'est pour ça, sortir de l'Europe, quoi. Mmh. Et alors là, si on te donne un billet pour partir quelque part, t'irais où? Le premier pays. Et pourquoi? Non, franchement, je sais pas. J'ai pas de, c'est vrai, de juste l'appel préférence du voyage, quoi. De... Ouais, vraiment, sortir juste de ta routine, bouger découvrir un truc. Et découvrir quelque chose, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. C'est clair, c'est clair. C'est même évident, c'est limpide même. Mais ouais, c'est clair. Allez. Exception. L'exception. C'est scandaleux, mais moi aussi, c'est un voyage. Ce serait pour partir en Islande. J'adorerais aller en Islande. Mais bon, personne ne va m'offrir ça, c'est trop cher déjà. Mais, tu sais... On a des personnes qui nous écoutent. Ouais, sont prêtes. On a des contacts. On est dans les petits papiers maintenant. Non, ouais, ça serait vraiment top. Après, si je me l'offre moi, je crois que je serais encore plus contente. Alors, est-ce que ça serait... Alors, forcément, j'imagine que c'est pour tout ce qui est nature, tranquillité, paysage. Exactement. Donc, tout ce qui est fjord, aurore boréale, tout ça. Mm-hmm. Yes. Ouais. Ouais, ça franchement, je kifferais planter ma tente et faire une nuit. Ah, genre, ouais. Ça doit être incroyable. C'est clair. Le genre de truc où tu t'en souviens toute ta vie. Quoi. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Grave d'accord. Ouais. Voilà. Vincent, ton cadeau rêvé, c'est Spider-Man, bien sûr. Ah, exactement. Non, en fait, ce serait... soit une console, parce que vraiment, je suis refait à chaque fois que j'en ai. Mais mec, tu as toutes les consoles. Oui, je sais, mais l'an prochain, il y a la PS5. Oui, mais... Bon. C'est un appel. Non, ou alors un truc genre une place pour aller voir un humoriste que j'aime bien, par exemple. Mmh, c'est cool ça. Ouais, ça c'est serait vraiment trop cool. Ouais. Mmh. Mais un cadeau auquel je m'attendrais pas. Parce que, en fait, ma maman. Elle demande tout le temps ce que tu veux. Demande tout le temps à ses enfants ce qu'on veut. Parce que. Parce c'est un que... peu nul en vrai. Enfin, dans le principe, sans no offense avec ta mère. Ta mère est nulle. non, mais tu vois, le fait de demander qu'est-ce que vous en pensez, vous T'as dit quoi, ta gueule? J'ai dit on t'aime, maman. Vous aime, Patricia, bien sûr. Évidemment. Je t'aime, maman. Non, ouais, en fait, ma mère, pour l'expliquer vite fait, elle fait des cadeaux à vraiment beaucoup de gens. Donc, elle pense à plein ouais, de trucs. C'est vrai que dans ce... Ouais, et comme mon père est pas du tout dans cet esprit-là, genre, lui, vraiment, il délègue tout. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Et du coup, il l'aide pas du tout par rapport à ça. Et donc, à ses enfants, elle demande ce qu'on veut, si on veut des trucs pratiques ou des trucs comme ça. Et bah souvent, c'est même nous qui nous commandons notre cadeau et après, ils nous remboursent. Alors, qu'est-ce que tu lui as demandé? Ah, moi, je sais, tu me l'as dit. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as demandé Hier, elle m'a dit qu'elle avait... À tout hasard, un jeu vidéo? Non. Hier, elle m'a dit qu'elle avait toujours pas de cadeau pour moi. Et du coup, j'ai demandé un petit jeu vidéo et voilà. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Link's Awakening sur Switch. Qui est sorti cette année, remake du très connu Link's Awakening, qui a d'ailleurs une direction artistique absolument magnifique, sublime, une sorte de pâte à modeler en vue macro, parce qu'il y a une grosse profondeur de champ, c'est très cool. C'est très cool, c'est très mignon. J'ai oublié le cadeau de mes rêves, en fait, celui que j'ai demandé cette année. C'était quoi? J'ai demandé un micro de forain. Un micro de forain? Ouais. Non. Ah, c'est pour faire les ébardis. Juste pour faire chier tout le monde. Tu vois, genre, est-ce que ton micro toujours avec moi, tu vois, aurait la fonctionnalité de faire... Je sais pas, faut... De lâcher faut les bruitages. En fait, faut acheter un studio d'enregistrement. Mais t'aurais pas préféré un mégaphone, plutôt? Là, le fun absolu. En plus, un mégaphone? Je sais où en fait. Quoi? Mégaphone. Ah, le mégaphone, c'est mégaphone. Si vous voulez cette catchphrase, allez à vous pour faire la promotion d'un produit. Non mais c'est-à-dire, t'as vraiment commandé ça? Non, j'ai pas commandé, mais j'ai fait comprendre à ma mère que t'aimerais bien ça. Mais comment tu le brancherais à quoi? Mais c'est un truc que tu peux connecter au téléphone. Ah. En fait, du coup, c'est un micro pour téléphone, en fait. Tu sais pas? Je sais pas. T'as vu ça, il y avait écrit micro de forain. J'ai vu des gens l'utiliser, mais je me suis pas attardée sur. Ah, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Mais en fait, c'est trop bien parce que vu que tu peux mettre des musiques de ton téléphone, tu peux les mettre en version karaoké ou quoi, et bam, t'as la musique, et en même temps, tu peux chanter dedans. Ouais. Et tu peux t'enregistrer? Je veux des c'est vidéos trop bien. De ça. T'inquiète. ça va lancer les TikTok. Oh, ça va, qu'est-ce qu'on se marre. Grave, une chaîne de TikTok. Ça va percer direct. La meuf trop relou. Putain, un mégaphone. Est-ce qu'il y a plus chiant qu'un mégaphone comme objet? Il y a pas beaucoup de choses. Parce que, tu sais, c'est tellement bruyant de base. Ouais. Le principe du mégaphone, c'est d'être ennuyant déjà de base. Emmerdant, tu vois. Donc voilà. Ok. Moi, j'avais une question, un débat à lancer. Oh. Est-ce que vous êtes pour ou contre les cadeaux qui sont, comment dire... Emballés mille fois. Ouais, emballés mille fois, par exemple. Vous voyez, vous déballez un truc, vous vous dites « Ah bah, il va y avoir quelque chose. » Mais en fait, non, il y a encore un emballage, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que ce soit de cette taille. Ça dépend du contexte et de la personne, je pense. Par exemple, pour ta grand-mère, tu dis « Bon, le scotch, mamie, là, t'en as mis. » Là, je le fais et elle l'aura bien mérité. Non, mais par exemple, tu vois, quand on a fait le Père Noël secret il y a plusieurs années avec nos amis... Nos amis, oui. Bien sûr, on s'en souvient, bien sûr. Hein? Ils vont parler de nous comme ça dans 5 ans, ça va être super. Non, moins de temps. Tu vois, là je pense que pour une soirée où c'était vraiment axé fun et tout... comme c'était le seul cadeau qui était comme ça, je pense que ça va, tu vois. Mais effectivement, dans un contexte familial, je trouve que ça serait plus chiant. Je l'aurais pas fait en famille, tu vois. Souvent, je vois aussi des trucs du style sur Twitter, genre quelqu'un qui a reçu une boîte d'iPhone et dedans il y a évidemment pas un iPhone. Ça, c'est terrible. Ce qui est vraiment cool à faire, c'est d'arriver à donner une autre forme au paquet cadeau. Ça, c'est cool. Ouais, parce c'est que ça demande quand même du travail, tu vois. Genre une bouteille, au final. Genre le mec, tu sais, tu lui donnes un vélo et à la fin, c'est un capuchon, genre. Débrouille-toi, fais-moi ça. Ça, c'est incroyable. J'épouse la femme qui fait ça. Ta mère, elle a fait ça? Ta mère, elle fait ça? Enfin, vite fait, genre, en fait, j'avais demandé un BlackBerry, tu sais, les iPod. Attends, mais c'était en 2007. Non, j'étais au collège, il me semble. Et là, je vois la forme du cadeau, c'était un gros truc, tu vois. Ouais. Et j'ouvre, je vois un sac. Ah. Je me dis, bon, vas-y, il est stylé, enfin, c'est cool, tu vois. Mais moi, je m'attendais au BlackBerry, mais je me suis dit, vas-y, la gueule du cadeau, ça va pas être ça, quoi. Et attends, en fait, il était dedans. J'ai pas rêvé, t'étais comme ça. Puisqu'après, t'as refait ça. Ouais. Est-ce qu'on l'a entendu ou pas? Moi, je crois que je l'ai bien entendu. Ouais. Ouais. Okay. Moi aussi. Redis-le juste vite fait au cas où, on sait jamais. De quoi que, en gros, le on t'a offert un gros paquet. Ouais. Tu croyais que c'était un BlackBerry et c'était un sac. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, c'est mort le BlackBerry, tu vois. Et en fait, à vrai dire, il était dans une des poches du sac. Ah, j'en étais sûr, j'allais le dire. J'allais le dire, le BlackBerry à l'intérieur du sac. Putain, je suis ta mère. Je suis ta mère. Enchanté. Maman. Maman. Je t'aime. Ce soir, c'est le jour des mamans. Ouais. D'ailleurs, la Mère Noël, finalement, on dit le Père Noël, le Père Noël. Alors, certes, mais est-ce que c'est pas un peu patriarcal, finalement? Moi, je veux la Mère Noël. Après, quand on tape Mère Noël sur Google... Eh ben, justement. C'est pas... Justement. C'est pas ce à quoi on aurait pensé. C'est très cocasse. Non, c'est vrai que c'est dommage que ça soit forcément une vision sexualisée de la personne, alors qu'en vrai, je sais pas, le Père Noël, c'est forcément un gros machin et tout. Donc bon, c'est un vieux gros. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais bon, ouais... Peut-être que c'est que des beaufs qui dessinent ça, des mères Noël, je sais pas. Enfin, voilà, ok. Mais du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre ces fameux cadeaux? Moi, j'ai répondu. Moi, je dis oui, en tout cas. Moi, j'ai pas de patience. Ah ouais, il faut l'ouvrir direct. Ah ouais, j'ai... S'il y a deux couches, c'est trop, tu l'ouvres pas. Pas le temps de niaiser. Non. Bah, je suis contre, du coup. Ok. Ok. Et toi? Bah moi, je vais être super chiante, je vais dire contre pour l'écologie. Allez. Voilà. Ah. C'est tout. Ouais, après. Ouais, bon, c'est bien vu. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord dans l'idée, cela dit, c'est généralement le truc que tu fais de manière très occasionnelle, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, si tu le fais une fois tous les trois ans, ça va pas si tu le fais à tous les membres de ta famille, vraiment. Les ans. Voilà, je pense que l'année d'après, tu fêtes Noël tout seul, mon pote. C'est clair. Ouais, on est tous occupés là. Désolé, hein. Mais ils reçoivent un cadeau de toi, ils savent, ils prennent un couteau énorme et font... Bon, allez. Bon, allez. Ils reçoivent le cadeau. Oui, bon, tu l'as emballé avec 10 couches. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait ça. Ok, ok. Y avait un autre débat, c'était quoi déjà? Moi, j'avais une autre chose, c'était par rapport au repas de Noël en famille. Alors, personnellement... Très bonne ambiance, tout le monde se retrouve, ça fait plaisir. Et tout le monde rigole, c'est vraiment, même avec les enfants et tout, c'est trop bien. Jusqu'au moment où quelqu'un dit, franchement... Macron. Et là, ah non. Là, c'est là, la fin du bonheur. C'est terminé. C'est la fin du bonheur. Là, tu sais qu'à ce moment-là, tu dois commencer à boire, mais genre... Ouais. Mais le problème, c'est que ça arrive genre juste après l'entrée. C'est trop tôt. Ouais, arrêtez. Ouais, c'est vrai, direct. Ah ouais, moi, c'est trop vite. Généralement, mon père est maire d'un village. Oui, mais là, c'est un facteur aggravant. Là. Ouais. Enfin, c'est un coefficient multiplicateur. J'ai fait une blague S. Une blague scientifique. Quoi. Une blague S. Une blague S. Voilà, ouais. Ça se passe comme ça chez vous aussi, j'imagine. Ouais, tout le temps. Ouais, non, moi, tu nous avais dit. Mais vous, ça arrive direct à l'apéritif. Vraiment. Moi, c'est très tôt. Ouais. Pendant le repas. Moi, c'est faut que les gens aient bu un peu, tu vois. Quoi. Parce que quand ils ont bu, tout est exacerbé, tu vois. Mmh. Alors là, c'est interminable, tu vois. Genre n'importe quel argument, ça sera oui, mais machin. Et alors là, c'est t'en as pour l'année jusqu'à la prochaine. Tu sors même pas du tu ressens. Non, mais. Ce qui est fou, c'est que ça continue, alors qu'au final, personne n'arrive à convaincre personne. Mais bien sûr, dans ces trucs-là. C'est le principe des débats, hein, c'est un piège. C'est un piège à temps, le débat. Hein, tu n'en sors jamais. Franchement, j'ai jamais fait un débat. Ou la personne a fait. Ouais, c'est vrai. jamais. Moi, j'adorerais que ça se passe comme ça. Non, par contre, j'aimerais parler d'un phénomène incroyable qui est la distorsion temporelle des repas de famille à Noël. Qui est que tu rentres parfois à table à 11h, tu vois, tranquillement, tu sors, il est 18h. C'est-à-dire qu'il s'est passé. Et encore, ça, c'est gentil. Hein. Ouais, j'avoue, des fois, c'est toute la journée jusqu'au soir. J'ai déjà enchaîné sur le repas du soir encore. Bien sûr, évidemment. Et au bout d'un moment, tu dis, va-t-on sortir de cette table? Moi, ça, mon père étant un mec ultra pressé, souvent, au bout d'un moment, c'est... Ouais, au bout d'un moment, c'est... Bon, on envoie le... Ramenez le reste. Ouais, c'est... Genre, il est invité et c'est lui qui dit bon alors le dessert Aucune gêne. Franchement, connaissant ton père, ça m'étonne pas du tout. Il est vraiment truc. Alors ça. Que ce qui est marrant, c'est que quand quelqu'un d'autre le fait, lui fait oui, bon, ça va, on n'est pas aux pièces, quoi. Vraiment, c'est trop drôle. On n'est pas aux pièces. Tiens, étant donné que tu t'es casé récemment, est-ce que ça va fêter Noël en couple ? Bah, malheureusement, non. Ah bah oui, c'est vrai, elle est pas là. Elle est, bah oui, elle part dans le sud. Ah là là. Ouais. La séparation. Elle c'est dur. Loin des yeux, près du cœur. Tu pouvais pas la suivre. Bah écoute, non, parce que j'ai une famille aussi. C'est vrai, la famille. Et surtout un chat. Et un chat. Oh ah ouais, bah tout pauvre. Quel amour ce chat. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, vous allez fêter en rentrant forcément. Oui. Voilà. Oui. Bah d'ailleurs, on a prévu un Père Noël secret tous ensemble. Avec c'est vrai. Père Noël secret. Gens. Ça va être marrant. Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Secret Santa ? Ouais, pareil. Ouais, mais en fait, on parle français, en fait. Dis le mec qui, toutes les deux phrases, dit oh, « Comment on dit en français ?» Ouais, ouais, c'est clair. Excuse me. Non, mais... C'est clair. Ok. Donc, c'est la soirée Noël où on règle des comptes, c'est ça ? Ça doit être terrible, les soirées... Ah, je sais pas si j'en ai déjà connu une comme ça où tout allait très bien et où d'un moment il y a eu un règlement de compte et ça a bousillé la soirée. Je sais pas, tu sais, comme dans le sketch que j'ai connu là. Pour Noël, je suis pas sûr que ça soit arrivé. Pour des repas de famille, ça m'est déjà pour arrivé. Moi, oui, à Noël, ouais. Mais ah ouais, à Noël, ah, ouais, où ouais. Ça part en vrille. C'est vraiment parti sale. Ah ouais, ouais. Ah ouais, vas-y, raconte un peu. En gros. vas-y, raconte un peu. Vas-y, raconte un peu. Disons que j'ai un oncle qui a eu un enfant avec une femme et il n'est pas marié avec elle. Mm-hmm. Alors, je crois que c'est plus parce qu'ils ont jamais voulu, voulu se marier, quoi, ça. Tu me l'as déjà raconté. Ah bon. Et en fait, alors c'est très vague dans mes souvenirs, mais en gros, il y a eu une enclade de couple à ce moment-là, et vraiment, les deux étaient ultra vénères, et dans ma famille, ça prenait un peu parti, mais pas trop, genre. Ça c'est dur. Ça essayait de régler un peu, genre tranquillement, mais ça marchait pas. T'imagines du tout. Le petit cousin qui engraine. Non, par contre, il arrive. Et genre à un moment, leur fille est venue en mode. Elle est venue chez son père en mode « Ouais, j'ai un petit problème. » Genre vraiment un truc pas ouf du tout. Et il l'a engueulé de ouf. Ah ouais ? Mais ouais, genre vraiment « Ouais, t'es pourri gâté. Enfin, on te gâte énormément et toi, tu viens de faire chier avec des trucs. » Et du coup, on était là « Ah, sympa. » Okay. Ouais, ouais. Et mon père « Bon, alors la bûche. » Je suis dans le cas de ton père, vraiment. Pourquoi vous engueulez ? On mange, en fait. Ouais, non, mais... Alors, c'est sûr. Ça arrive. Ah ? Oh non, le feu est terminé. Non. On a un chat sous LSD, qu'est-ce qui se passe ? Attends, où est le... J'ai. L'ambiance. Où est l'ambiance ? Continuez à meubler, il n'y a pas... Oui, bien sûr. Don't alors... fuck with cats. With cats. Un tueur trop viral. Ah, mais c'est ce que tu m'as proposé, ouais. En plus. Sur le dépeceur de Montréal, là. Exactement. Ça a l'air sympa. Rocco Magnota. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air intéressant. Après, ouais. Est-ce que ça a l'air sympa ? Ça a l'air sympa. Franchement, découper des gens, j'adore. Le reportage du petit Grégory, j'ai adoré. Franchement, bonne ambiance, je veux dire. Bonne ambiance. Le juge Lambert, là, mon pote, celui-là, on doit bien se marier. Hein. Pas non, c'est... ouais, c'est assez terrible. Non, en vrai, je regarde en ce moment justement le reportage sur le petit Grégory. Et c'est vraiment très, très intéressant. Bien sûr, c'est une affaire qui a défrayé la chronique française pendant très longtemps. Et là, c'est vraiment bien, bien résumé. T'as tous les éléments. Fait, ouais, c'est pas juste un truc larmoyant. Ah non, franchement, ouais. C'est super bien fait. Et, ils sont vraiment décarcassés, dirons-nous, pour... trouver les bonnes images au bon moment. En plus, à ce qui paraît, interroger personne. J'ai arrêté de me renseigner sur l'affaire, mais a priori, c'est toujours pour l'instant un mystère. Oui. Mais le documentaire est en mode bon, c'est quand même assez évident. sur deux personnes, apparemment. Ah ouais ? Ouais, c'est ce que m'a dit ma mère qui l'a déjà regardé. C'est vrai, ta mère, elle regarde Netflix ? Ouais, ouais. Putain, c'est aussi, la mienne aussi, ça fait plaisir, je trouve. Ouais, la mienne aussi, elle est fan. C'est vrai ? Ah ouais. Netflix. Netflix, c'est tout le monde. Oui. Ouais. Mais c'est ce qu'un jour le PDG avait dit, c'est qu'il voulait autant plaire à une aux adolescents qu'une grand-mère brésilienne. Voilà. En même temps, le catalogue est tellement fourni que c'est... Ouais. Par contre, il y a beaucoup de trucs vraiment nuls. Très nuls. Ouais. Ah, d'ailleurs, en parlant de trucs nuls à chier, et pour revenir un petit peu à Noël, parce que bon, le petit Grégory, malheureusement, c'est pas très esprit Noël. Bof. Les films de Noël, les comédies de Noël, qui sont... Il y en a chaque année qui sortent. Ouais. C'est la même chose. Ah ouais. Tu changes l'acteur. Mais non. C'est la même chose. Là, genre là, cette année, celui de cette année, c'est Emilia Clarke qui rencontre je sais pas trop qui. En gros, elle a quitté sa campagne pour devenir journaliste. Mais le gars, si je me souviens bien, est un bûcheron. Le gars, si je me souviens bien, est un bûcheron et remet tout en cause. Genre, elle est en mode, oh là là, finalement, la vie à New York, c'est peut-être pas la bonne chose pour moi, etc. Enfin, je crois que c'est ça film le qui pitch, est sorti cette année. Là. Ouais, c'est le récent là, avec Emilia Clarke. Franchement, avec Laura qui est là à l'heure actuelle, c'est vraiment dommage de tourner dans des films comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, mais non, voilà, mais... les films de Noël, je ne comprends pas. Est-ce que vous en regardez, vous? Ça va rien. J'en ai regardé aucun pour l'instant, cette année en tout cas. Ah, bien sûr. Moi j'ai regardé les Gremlins il n'y a pas longtemps. Et c'est la première fois que je le voyais. Non, c'est vrai? Ouais. Tu l'avais déjà vu? Ouais. Classique. Classique. Franchement, vous l'avez les Gremlins, c'est vraiment un classique pour le coup. Non, je crois pas. Vous l'avez jamais vu? C'est de Spielberg. Oh, il faut vraiment le voir. Les Gremlins, c'est vraiment bien. C'est ouais, peut-être franchement, le seul c'était, film de Noël c'était où tu dis, très. Ouais, ça faisait très, très ambiance de Noël, quoi. Enfin, c'est. Vous avez vu la. Plaisant. En plus, il y a un petit côté horreur et tout. Ouais. Il y a pas mal de blagues et tout. Vous avez vu La Course aux Jouets avec Arnold Schwarzenegger? Jamais vu. C'est vrai? Non. Alors, c'est apparemment, c'est vraiment. Ouais, il est passé des milliards de fois sur TF1. D'ailleurs, c'est un autre truc. Pendant la période de Noël à la télé, d'ailleurs, c'est encore une raison de ne plus regarder la télé, c'est que c'est les mêmes films qui passent chaque année, tout le temps. Ouais. C'est... Pourtant, le monde continue d'évoluer, tu vois. Pourquoi montrer un film de 2006 que tout le monde a vu mille fois? Bah, je sais pas, parce que souvent, les gens aiment bien revoir ce genre de film en cette période. Ouais, je sais pas, après... En vrai, ça marche bien. Hein. Ouais, mais il y a tellement de nouveaux films qui sortent, c'est dommage de rester bloqué sur un truc qui est sorti il y a 30 ans, tu vois. Genre, par exemple, Maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Bon, il y a un moment, il est gentil qu'il est macaliste. C'est vrai? Non, jamais. Ça te plairait sûr et certain. Il y a beaucoup de blagues, ça te plairait, mec. Ah ouais? Ok. Bon, enfin, ça m'aurait sûrement beaucoup plu quand j'étais petit. Après, aujourd'hui, je sais pas. Oh, même encore maintenant. Le premier, même encore maintenant, ça va. Après, ils ont fait des suites qui sont moins bien. Mais d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, prenez votre avion, en fait. N'oubliez pas votre enfant, finalement. C'est nous à Londres. Exactement. Sauf que nous, on a oublié l'avion. Parce qu'on mangeait. Parce qu'on mangeait. Incroyable. Étonnant, je ne crois pas. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ma biographie et qu'on relate cet événement. Il a loupé son avion parce que bah il mangeait en fait. Donc l'été les gens diront ça. Ah, un bon gros con quand même. Deux gros cons dans un Starbucks. Ça reste mon titre préféré. Hein. Parce qu'on a ouais c'est mais déjà la situation c'est abracadabrantesque. Exactement. Ah c'est ça la magie de Noël. Alors quels sont vos films de Noël à vous finalement? Parce que vous n'en avez pas parlé. Ah bah les Shrek, hein. On aime bien ça. Ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas, j'en ai pas particulièrement. Mais du coup, est-ce que là on parle de films ambiance Noël ou les films qu'on regarde à Noël? Plutôt qu'on regarde à Noël. Ah. Le Grinch, des fois, j'aime bien re-regarder. Ouais. Enfin, j'aimais bien quand j'étais gosse, du coup, ça me rappelle un peu. Je l'ai pas vu, c'est souvent nostalgique. C'est Jim Carrey, non Noël. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, qui joue le Grinch. Je l'ai toujours pas vu, faudrait que je le regarde. Lui-même, himself. Moi, je crois que j'aime bien regarder les vieux dessins animés, enfin les vieux Disney en général. Mm-hmm, ouais, moi, pareil. Mais comment ça, tu crois? Enfin, j'ai jamais vraiment regardé un truc en particulier pour Noël, mais si c'est plutôt les vieux dessins animés, mais pas les Disney, pas les Disney genre Aladdin, les films. Il mue encore à 23 le ans. Mais plutôt les dessins animés sur Donald, Mickey et tout, toute cette bande-là. Franchement, je dois dire par contre avoir une relation, une discussion. Le vin commence un peu à taper. Avoir une discussion sérieuse seulement avec toi, c'est... qui a ce chapeau, impossible. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Attends, mets ça en barbe, comme ça on fusionne et on a l'être suprême de Noël. Waouh! Non, franchement, ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. That's amazing. Bah, moi je peux pas du coup. Mais... Merci beaucoup. Merci pour ce moment c'est de. C'est pas toi qui dis merci, c'est moi qui dis merci. Non, mais merci d'avoir quand même participé à ça. Merci. Voilà, ça va bien. Merci, c'est vrai. Ouais. Ok. Tu vieilliras bien. Ça va toi ? Ouais. Je comprends qu'il y a un contre-podcast. Grave. Bah voilà. Hein ? Après, on parle plus, il se passe rien, donc... Toujours excellent. Toujours excellent. Ça, c'est une phrase que tu dis tout le temps. Toujours c'est moi qui l'ai lancée. C'est vrai ? Elle est trademarkée ? Sur l'épisode, le premier épisode que j'ai fait avec vous. Oui, avant, c'est vrai, mais est-ce que tu... Non, mais ma question, c'était plus... est-ce que tu le dis dans la vie de tous les jours, tu vois ? Bah, du coup, maintenant, ouais. C'est vrai ? Bah, de temps en temps, mais non, nice. Je dis plus excellent tout court. Ah, ouais. Je suis déçu de ouf. Excellent. Beaucoup. Par contre, Gucci, ça reste. C'est vrai ? Ouais. Ah, on est Gucci, ça fait plaisir. Là, je me sens Gucci, là. On est Gucci. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien de partager des expressions, des trucs comme ça fait plaisir. Ah, c'est l'heure de la pilule. J'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit le matin et que je vienne de me réveiller. Contrôle d'éco-gestion. Bon, écoutez, il est déjà 23h30. Il est 22h30. Des lasagnes. Ouais. 22h30, t'as dit ? Non, j'ai dit 22h30. Ah, et j'ai pas entendu 22h30, non ? Non. Personne n'a dit ça ? Non, c'est une hallucination. Attends, collective. Ce sapin te rend malade. Ces boules te rendent ma boule. Là, je. C'était la blague de trop. C'est le vin. Je suis on va mettre ça sur le compte du vin. C'est vraiment le cas pour le coup. Non, mais voilà, on a fait le tour, je crois. Hein, les films de Noël, les cadeaux, les pires, les meilleurs, tout. On a tout fait. Attends, j'avais quand même des anecdotes de Noël encore. Ah. Je les raconte vite. Oui, donc juste pour rebondir sur tout ce qui est offrir des consoles à Noël, à chaque fois qu'on en offrait une, il y avait un jeu avec. Je me souviens, le premier jeu que j'ai reçu sur GBA quand je l'ai reçu, enfin sur Game Boy Advance, c'était Fire Emblem. Donc pour ceux à qui ça parle, voilà. En gros, c'est des échecs version stratégique. Enfin non, parce que les échecs c'est stratégique. Ouais, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est des échecs mais version médiévale avec les pions sont des personnages et ils ont tous des caractéristiques précises et tout. C'est vraiment très cool. Une sorte de Age of Empire finalement. Pas du tout. Non. Pas du tout, en vrai non, pas du tout. Ah ok, c'est ce stop. C'est en fait ce qu'on appelle un tactical RPG, mais bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Et le nombre de jeux que j'ai commencé du coup le soir de Noël, auquel j'ai joué toute la nuit et je me suis endormi dessus, ce qui fait que toute cette nuit de jeux vidéo n'a servi à rien car j'avais perdu ma sauvegarde le lendemain. Voilà. C'est vrai ? Aïe aïe aïe aïe aïe. Oh, ça m'est souvent arrivé. Tu veux dire comme moi avec Animal Crossing et Monsieur Rizetti. Vous connaissez ce truc ? Oui. Attends, t'as joué à Animal Crossing ? Ah oui. Trop bien. Et toi, Marie ? Moi, j'étais toi, plus Pokémon... comment ça s'appelait ? XY ou je sais pas quoi ? Ah, ça, c'est encore récent, ça. XY, c'est la 3DS, quoi. Ah non, XY, c'est la 3DS, je crois. C'est vraiment ressorti assez récemment. Non, j'avais pas la 3DS, moi. Peut-être Diamant et Perle, tout ça ? Ouais, c'est ça. Cœur d'argent et... Ouais. Non, cœur d'or et je sais plus trop quoi. Bref. Ok, et alors je finirai sur ça. Là, c'est un aveu envers ma mère qui ne l'a jamais su. Mais une année, on a eu la Wii. Alors, bien des années après qu'elle soit sortie, parce que même quand bien même elle avait un faible prix, ça restait assez cher. Et l'année où on l'a reçue, on avait Mario Kart et Super Smash Bros. Avec. Et du coup, forcément, cadeau de Noël, je savais que c'était ça. Je savais où c'était. Et du coup, ma mère m'avait formellement interdit d'y jouer parce que c'est Noël. Alors, je dois l'avouer. Maman. Déjà, elle commence par « Maman, je t'aime ». Non, ça règle à peu près tout. Faut t'avouer et ta moitié pardonner. Non, mais effectivement, j'ai joué comme un salaud sur cette Wii avant Noël. Genre, tu sais, il y avait cette espèce de patch en scotch. Sur le, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, sur les boîtes en carton qui sont fermées, vous savez, il y a une sorte d'encoche qui permet de fermer la boîte en carton de base, tu vois. Et par-dessus, t'avais un léger film, une pastille de scotch. Et à chaque fois, j'ouvrais ça délicatement pour ne pas la déchirer, pour que ça soit nickel. Et j'y jouais du coup quand elle était pas là. Et j'avais signé quasiment tous les jeux avant Noël, tu vois. Et par contre, je m'étais rendu compte d'un truc qui était qu'en fait, tu pouvais voir. Dans la Wii, quand tu avais commencé à jouer, combien de temps, jusqu'où t'étais allé et tout. Et je m'étais monté tout un scénario de paranoïaque en mode un jour c'est sûr, elle va tomber là-dessus, elle va me défoncer et tout. Alors que jamais ma mère n'a allumé la Wii. et pourquoi elle serait allée là-dedans, tu vois, pour voir alors le temps de jeu. Jamais ma mère n'aurait fait ça, tu vois. Mais vraiment, du coup, voilà. Et j'ai fait la même chose pour d'autres jeux de PC que j'avais reçus des années plus tard, qui étaient The Tycoon. Le 2 Exactement. Et sauf que comme un gros con, j'avais acheté l'extension. Du coup, je pouvais pas jouer, il me fallait le jeu de base. Ah merde. Du coup, je l'avais fait craquer. Je l'avais fait craquer par un pote qui me l'avait gravé et j'avais pu jouer. Mais effectivement, je me souviens de cette tristesse de quand tu lances le jeu et qu'ils te disent contenu additionnel. Vous avez besoin. Tant le disque d'origine pour jouer. Là, je me dis quoi. Parce qu'en plus, je savais même pas que ça existait, les extensions. Mm. Tu vois, j'avais jamais joué aux Sims et tout. Du coup, j'ai appris ce jour-là que. Mmh. Eh bien, je m'étais fait avoir. Coup dur. Ah, coup dur pour le joueur français. Bref, non, voilà. Moi, j'avais eu The Tycoon 2. Ouais, il était bon. Mais c'était le vrai pour le coup. Enfin, le jeu entier. Et ouais, on avait fait un parc énorme avec mon frère. On s'était dit, vas-y, on va faire le meilleur zoo de tous les temps. Et chaque fois que je lançais cette partie en étant tout seul, il y avait tellement de messages de type. Les flamants roses ont besoin de... Et ça défilait trop vite. Je pouvais rien faire. On avait mis des soigneurs partout. Il y avait de la merde partout. C'était terrible. En fait, mon frère, je t'étais juste dit, vas-y, on met tout. On met tous les animaux. Et moi, je savais pas gérer. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. Ah. Mais j'avais joué à SimCity. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Et en fait, donc faut, dans le jeu, il faut gérer une ville. Et j'avais commencé ce jeu et tout, et une fois, il y a, je sais pas si vous le savez aussi, mais il y a des événements qui arrivent, des catastrophes qui arrivent, ouais. Catastrophes. Et là, je crois que c'était genre les aliens, et en plus, il y avait eu un autre truc, genre des cyclones, et ça avait rasé ma, enfin, ça a commencé à raser ma ville, et j'étais tellement en stress que j'ai éteint la multiprise de l'ordinateur. Genre, j'ai fait, non, j'arrête tout. Tu sais que la catastrophe de Tchernobyl est arrivée à cause de ça. Et voilà. J'avais oublié ce moment du jeu où il y avait justement les débarque. Catastrophes naturelles. Et c'est horrible. Incroyable que tu parles de SimCity. C'était bien, mais trop compliqué pour un enfant. Oui, ouais, oui. Devoir gérer les revenus, les routes. Je veux juste construire des maisons. Moi, y a pas de... Et par contre, je me souviens, et je m'étais fait plaisir justement à Noël quand j'étais plus jeune, je m'étais acheté SimCity. Sauf que je me suis dit... En fait, c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'autres versions que celle de base, tu vois. Et du coup, j'ai été trop saucé. J'étais en mode, oh là là, je vais m'éclater et tout. Alors évidemment, c'était sûr, j'allais rater toutes mes villes et tout, mais bon, bref. Et j'étais là en mode, ouais, les graphismes d'exception et tout. Et en fait, j'avais acheté SimCity 2000 Deluxe. Ouais. Et en fait, le mot Deluxe, je me suis dit, franchement, s'il y a ce mot, c'est sûr, c'est trop bien. Et en fait, non, c'était juste une vieille version avec tout le contenu. Qui était sorti, tu vois. Et je m'étais retrouvé avec une version moche de ouf. Ah, tu pensais avoir SimCity 3000 et en fait, t'avais le. Je sais plus ce que c'était à l'époque, mais bref, je m'étais retrouvé avec une vieille version, tu sais, genre. Imagine, j'en sais rien, on te dit, ah, on va voir James Bond. Tu te dis, oh, trop bien, Daniel Craig. Et en fait, non. Pas du tout. C'est un film d'il y a 50 ans, tu vois ce que non. Enfin, bref, voilà. Que des coups durs dans ta vie, quoi. Que des coups durs. Mais c'est dur d'être... Avec les jeux vidéo, la vie n'a pas été facile pour toi. Hein. Non. Après, j'ai joué à League of Legends et là, c'était la fin de tout. Hashtag la communauté la plus cancer du monde. Ne jouez pas à League of Legends pour votre santé mentale. On peut donc s'arrêter là. Oui, on a bien parlé de Noël. Avez-vous un petit mot à dire sympathique en cette période de fête aux gens qui nous regardent? Ah, bah, profitez. Hein. C'est court, concis, efficace. Ben ouais, profitez des gens que vous aimez parce que ça dure pas longtemps. Et ouais. Tu parles de la vie en général ou de Noël? De la vie en général. Ah, je suis d'accord. Mm. Mais là, on bascule dans une tendance dépressive que j'aimerais éviter. Mangez un max, buvez ouais, un max. C'est clair. Yes, c'est clair. Non, et vraiment. Faites pas de prise de sang le lendemain. C'est clair. Voilà. Comment ça? Ça fausse un peu les résultats. Légèrement. Ouais, d'accord. Légèrement beaucoup. Alors, tiens, d'ailleurs, dernière question. J'allais dire réaliser un enfant, non. Ma phobie. Ok. Non, mais voilà. Concevoir un enfant le jour de Noël. Non. Bonne ou mauvaise chose? Concevoir le jour? Bon, pourquoi pas? Non. Oui, pourquoi pas? Alors, oui, bon, toi, connaissant ton avis sur la question, c'est. Voilà, c'est une question qui a déjà sa réponse. Mais toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais pourquoi pas? Ouais, comme pourquoi pas aussi? Ok. Parce que si l'amour est là. Oh, c'est joli. Ah, Carole. Ou alors, ben, moi, je suis peut-être un bébé de Noël, en fait. Hein. Ah, c'est vrai ? Bah, je suis née en août. Et je suis prématurée d'un, presque d'un mois, donc... Attends, mais août, c'est le huitième mois de l'année. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus tôt ? Bah oui, je suis prématurée d'un mois, j'aurais dû naître en septembre. Ah, bon, bien. Serait... le soldat nous quitte. Ah, moi, ça me choque, tout ça. Ces révélations. Waouh ! Ah, j'adore la drogue. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être un bébé de Noël. Ou voir nouvel de an. Nouvel an. Nouvel an trop alcoolisé, sûrement. Ah, ouais. En mode avec non, qui je vais finir pas. La soirée ce soir. Ah, ok, d'accord. Et ben c'est je passe une dédicace à une dédicace. J'adore les chats, je suis pour rien. En plus, je suis bilingue, vous l'avez dit avant. Donc, hein. Non, une dédicace à mon ami Kélian qui a été conçu dans les boîtes de nuit à Nouvel An. Voilà, donc, BG. Force voilà. À toi. Hein. Oh, je peux pas. Je non, peux pas franchement, parler, c'est un bon gars, donc ça fait plaisir. Heureusement qu'il a été conçu cette nuit-là. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Sinon, il n'aurait pas été conçu et il ne serait pas, en fait. Voilà. Serait triste. Tout simplement. Ouais. Vincent, ton mot de la fin pour Noël ? Moi, c'est juste éclatez-vous le bide à mort. Voilà. Oui, c'est vrai. Manger, ouais, manger énormément. S'il y a une période de l'année où on ne vous en voudra pas, c'est maintenant. C'est vrai. Allez-y. Il faut tout donner. Normalement, il y a 11 mois de préparation pour que c'est go maintenant. C'est maintenant. Et toi, Quentin, le petit mot sympa avant Noël ? À part offrez-moi un voyage au Japon, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je ne trouve rien de mieux. Attends. Le quoi ? Il enfonce le couteau. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je souffre. Mais offrez-moi un voyage quand même. Non, plus sérieusement, vraiment, juste pour reprendre ce que vous avez dit, vraiment, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, vraiment, prendre soin de soi. Je trouve qu'on est dans une période où on est vachement, enfin, une période, globalement, une ère où tout est vachement axé sur tout ce qui est performance, sur tout ce qui est productivité et tout. Et ce qui est important, je suis d'accord, les choses n'arrivent pas toutes seules, il faut travailler dur pour ça. Mais on oublie parfois le bien-être, notamment mental, et je trouve que c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais blague à part, c'est vraiment un problème. Et ça me détruit de voir des gens qui sont en dépression. Ça me détruit de voir des gens qui n'osent pas faire les choses parce qu'ils se mettent trop de pression. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et j'espère que vous arriverez à vous détendre un petit peu, si c'est votre cas pour Noël, à souffler un coup et puis repartir. 2020, c'est quand même la fin d'une décennie. Plus belle, hein. Ouais. Voilà, on passe quand même dans une 2-0, c'est quand même stylé. Y aura-t-il le bug de l'année 2020 ? Eh bien, je ne sais pas, peut-être. On va peut-être tous mourir, qui sait. Mais en tout cas, voilà, profitez vraiment de cette année, profitez de vos proches et prenez le temps de prendre soin de vous. Je pense qu'on peut finir sur ça. Mmh. Ouais. Donc, ouais. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à la prochaine. Joyeux Noël. Et joyeux Noël aussi à ceux qui ne fêtent pas Noël, d'ailleurs. Parce que tout le monde ne fête pas Noël. Attends, ouais, c'est vrai. Que ce soit des questions de religion. Non, mais vraiment, pensons à tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui ne fêtent pas Noël pour des questions de religion ou autre. Joyeuse fête. Juste, mangez. Voilà. C'est tout. Et prenez soin de vous. Ciao.